18h. C'est bon. Il est que 18h. Il est 18h. Putain, j'ai de la latence, moi. J'ai plus de synthé. Alors. Bon, je remets le synthé. Il est 10h04. Putain, j'ai une carte son. C'est pas grave de partir. Thank you. Thank you. Thank you.